chute. Bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh. On est en pleine chute. Chute. Bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh. On est en pleine chute. Avant qu'on se dispute, oh, avant que l'on ne chahute, bébé, mets-toi en mute. Hey, soul, y aura pas de chute. Il faut qu'on éclaircisse nous deux. Ça part en chute si c'est ce que tu veux. Je ferai ton bonheur. Ciao, oh girl, il est l'heure. Chute, bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, oh, oh. On est en pleine chute. Yeah. Chute. Bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, oh, oh. On est en pleine chute. Dab dou da dou. Tu me rends fou, girl. C'est où? Toi et moi, c'est où? Ça fait bien longtemps que je ne tiens plus le coup. Avant qu'on se torture, avant qu'on se défigure, ce que tu veux, faut que t'en sois sûr. Hey, car je serai très dur. Il faut qu'on arrête tous nous deux. Ça part en chut. Et je crois que c'est mieux. Si sans moi c'est le bonheur, alors j'pars, girl, n'aie pas peur. Chute, bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, on est en pleine chute. Chute, bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, on est en pleine chute. Chute, bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, on est en pleine chute. Chute, bébé, non, chute. Oh yeah. Si tu veux qu'on discute. Oh yeah. SVP, chute. Oh, on est en pleine chute.